sortie de la toile, je te dépeins tout en mots avant le coup de pinceau. Lentement jusqu'à presque me glisser au creux du vent.